plein de chemins. Je comprends rien, ou à gauche ou à droite. On sait pas ce qu'on rate, y a plein de chemins. Fonce dans le tas ou dans rien, nos questions qui font mal. Un verre d'eau et avant, y a plein de chemins. J'en vois pas la fin, c'est pire que le début, pire que d'être tout nu. Y a plein de chemins, parfois la colère vient, c'est la sortie du. C'est ouf le chemin, c'est ouf le rien, entre calme et tempête, à la trois je la jette. Je n'aime pas les pays, surtout pas celui où je vis quand il n'y a plus rien à espérer de lui. Il vaut mieux tout. Diggers, l'émission collective des radios Ferrarock, a le plaisir de tendre le microphone à Klaus Tinto, un projet tout frais, premier EP sorti à l'automne dernier, et déjà retenu pour représenter Saint-Étienne et la région Auvergne-Rhône-Alpes au printemps de Bourges 2020. Alors Klaus, j'ai trois questions pour toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Je sais pas qui je suis, c'est comme tous les humains, ça change tout le temps. Qui es-tu? Il y a de la musique et puis des petits mots, ça fait un peu longtemps. Des fois je fais de la guitare avec mes bestas, du matrock, de la techno. C'est un groupe, il s'appelle Sub avec un CCD et maintenant Klaus Tinto. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la manière dont tu as sorti ce premier EP, tant la création que l'enregistrement et label qui t'ont suivi? J'ai écrit des chansons, je les ai mises dans mon ordinateur portable. Je les ai faites entendre à des amis et des labels de musique pas rentables. La Pect Records, la Souterraine, ils les ont mis sur internet. AB Records, je les aime, et elles les ont mis sur des cassettes. Sur ce projet, on entend des instrus très ciselés. Mais on a l'impression que c'est la voix qui est bien au cœur du processus. Tu peux nous parler un peu de cette voix, justement, et surtout de ce que cachent tes textes. Tu veux témoigner, transmettre. Je voudrais tenir ton cœur, te donner de la chaleur, un endroit pour la colère se coller. Je voudrais savoir ce que tu penses, en faire des balles ou des danses, des armes pour se sauver, se serrer. C'est pour celles et ceux qu'on casse, pour celles et ceux qui se cassent, et pour celles et ceux qui cassent le mobilier urbain ou de bureau. Je voudrais nous prendre par la peau, par là où ça gratte en dents, en souriant. La pochette de ton disque est une photo du Fouquet's attaqué pendant les manifs des Gilets jaunes à Paris. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette photo, et qu'est-ce que ça représente pour toi, la rue qui crie comme ça ? Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, on vient tout casser chez toi. Emmanuel Macron, on vient tout casser chez toi. Ce projet que tu as construit dans l'intimité de chez toi s'est retrouvé sur scène un peu brutalement et rapidement. Comment tu vis ce live maintenant ? Maintenant, je comprends les enfants qu'on force à chanter devant les parents, grands-parents, pour le soir du nouvel an. Maintenant, je comprends qu'être sans les amis c'est moins marrant. Mais j'apprends, je me détends, chaque fois moins effrayant. Klaus, tu t'es retrouvé sélectionné aux Inouïs aux côtés de projets très éclectiques dans la catégorie chanson pop. Comment tu as vécu ce moment et comment tu vois la prochaine phase à venir ? Je sais pas, je comprends pas, j'ai pas de plan de carrière, j'aime pas ce vocabulaire, j'irai faire ce que j'ai à faire. Je veux pas être connu, je préférerais que l'ONU défende la Palestine et que meurt Trump et Poutine. Qu'on nous apprenne à l'école ce qu'est la culture du viol, qu'on puisse occuper sa fac sans se faire frapper par la BAC, qu'on lâche les musulmanes, qu'on arrête de tuer des femmes et de laisser crever tous ceux qui viennent vivre à peine mieux. Je veux qu'on supprime les frontières, c'est plus urgent qu'un concert. Je veux qu'on supprime les frontières, c'est plus urgent qu'un concert. Merci à toi Klaus Tinto d'avoir partagé ce moment et puisqu'il y a plein de chemins, on te souhaite d'en trouver un qui t'amène où tu veux. À plus.